Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Je ne sais pas si vous savez, mais Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. Enfin, presque. Il a failli être arrêté. Enfin, si ça avait été Xavier Dupont de Ligonnès, il aurait été arrêté. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse, à Glasgow, soupçonné d'être l'auteur d'un quintuple meurtre à Nantes en 2011, celui de sa femme et de ses quatre enfants. Il était recherché depuis 8 ans. On ignore ce que cet endroit représentait pour Xavier Dupont de Ligonnès. En tout cas, si ça a été simplement un lieu de passage, pardon, ou un pied-à-terre. Déjà, je suis un petit peu gêné parce que j'aimerais être sûr que c'est bien lui. Parce qu'on émet plein d'hypothèses et c'est vrai que c'est un peu embarrassant parce que si on apprend par exemple dans une heure que c'est pas tout à fait lui, on sera un petit peu dans l'embarras. C'est vrai que là, il y a des empreintes. Ça, ah. Les empreintes, c'est 10 doigts. Ça vous surprend les empreintes, hein? Mais bien sûr. Les empreintes, c'est 10 doigts. Oui. Il n'y en a que 9. Je sais pas, les flics, ils l'arrêtent, c'est ses empreintes, merde, il y a 9 doigts. Moi, je rentre hier soir, je vois ça, je me dis, putain, mais j'y merde. Et les flics sont malades. Ça fait 30 ans que je connais 89. J'ai acheté ma maison en 89 et c'est là qu'on s'est connus. Oh, putain, voyez ça, là. Non, c'est complètement aberrant. Là, il est en cabane, sa femme, elle est juste en rapport avec un flic là-bas, un écossais. Et voilà, elle sait pas où il est. Vous les connaissez personnellement très bien? Mais Guy, ça fait 30 ans, ça va faire, une quinzaine d'années que vraiment on se côtoie et tout ça. Vous l'avez vu, ce visage à cette personne-là? Attendez, j'ai rien à voir. Ouais, donc Guy, ça faisait 30 ans, en fait, qu'il était Xavier Dupont de Ligonnès, qui, du coup, est un peu compliqué. Bonjour, Richard Marlet. Bonjour. Vous avez été chef de l'identité judiciaire, vous avez publié « La science à la poursuite du crime » d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui aux éditions de La Martinière en compagnie de Pierre Piazza. Expliquez-nous comment on a pu commettre une telle bévue. Bah écoutez, donc comme vous l'avez dit, hein, je me suis occupé d'identité judiciaire. Donc l'identité judiciaire, c'est notamment les empreintes digitales. En fait, je me suis dit, quand j'ai entendu cette histoire d'identification, je me suis posé la question de savoir comment... Les policiers écossais étaient arrivés à cette identification. Donc j'avais d'un côté la certitude qu'ils avaient bien les empreintes digitales de X pouvant être Xavier Dupont de Ligonnès, et puis, comme l'aurait dit Monsieur de la Palice, il fallait bien comparer autre chose. Et là, je me suis posé la question de savoir avec quoi ils pouvaient bien comparer. Mmh. Parce que pour moi, en fait, une comparaison d'empreintes digitales, ça ne laisse pas de place au doute. Mmh. Donc en fait, je me suis posé la question... Ça ne laisse pas de place au doute. Alors ça, c'est important d'insister. Ça veut dire que Absolument. Les êtres humains ont des empreintes digitales et ils sont les seuls à avoir celles qu'ils ont, comme aurait dit toujours Monsieur de la Palice. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'empreinte digitale a des caractéristiques qui font qu'elle est parfaitement individuelle, qu'en fait, lorsque vous... faites des ampoules, en fait, la peau se reconstitue à l'identique. Voilà, donc pour moi, c'est la certitude absolue. Donc il fallait que les Écossais comparent avec quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être les 10 images d'empreintes digitales que, par exemple, Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu laisser s'il avait été interpellé par la police. Mais ça peut être aussi une seule ou deux empreintes digitales qu'il aurait pu laisser à l'occasion de l'obtention d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Mmh. Et après, la troisième possibilité de comparaison, donc là on passe à autre chose qui sont les traces digitales, c'est-à-dire l'image de votre empreinte que lorsque vous touchez un objet, un support, donc ça aurait pu être les traces digitales récupérées sur la scène de crime de Nantes. Bon. Et puis après, donc j'ai continué à suivre et puis on a commencé à parler de 5 points caractéristiques. Et là, j'ai entendu mais beaucoup de bêtises alors sur cette histoire de 5 points. En fait, si vous voulez, en France, pour affirmer que 2 empreintes digitales sont similaires ou qu'une trace digitale a trouvé son propriétaire, l'empreinte, il faut mettre en évidence 12 points caractéristiques. Bon, il se trouve que je me suis toujours un petit peu intéressé aux empreintes digitales. Le Royaume-Uni, jusqu'au début des années 2000, avait retenu ce standard numérique, c'est-à-dire le nombre de points caractéristiques pour affirmer qu'il y a identification. Ils avaient un standard numérique à 16 points. Et puis, vers 2006 pour l'Écosse, l'Écosse a abandonné un standard numérique au profit d'une approche plus qualitative, on dirait holistique, c'est-à-dire on s'intéresse à la forme de la trace ou de l'empreinte. Pourquoi ? En fait, si vous voulez, c'est une autre approche, c'est-à-dire que la tentation que pourraient avoir certains lorsqu'ils ne sont qu'à 12 points caractéristiques, ça serait peut-être d'en deviner deux autres. D'accord. Pour arriver à une identification absolue. Donc, il y a un courant comme ça dans ce qu'on appelle les sciences forensiques, la police technique et scientifique ou la criminalistique, qui essaye de trouver le meilleur critère de certitude possible. Donc, on passe comme ça, soit d'un standard numérique à une approche holistique ou qualitative, ou bien c'est l'inverse. Le but, évidemment, à chaque fois, c'est de dire il faut réduire le risque de coïncidence fortuite, c'est-à-dire le risque d'avoir une autre personne qui présente les mêmes points caractéristiques. Donc on navigue un peu entre les deux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour un expert écossais, même s'il s'intéresse à la nature de la trace, à la nature des points caractéristiques, il y en a qui sont plus rares que d'autres, enfin, il n'empêche que de toute façon, le nombre de ces points ne peut pas être oublié. Si vous voulez, la différence entre un standard numérique, c'est de dire, voilà, j'ai 12 points et puis aucun point de discordance, j'ai la certitude. Une approche qualitative, c'est en fait une variation qui va de l'individualisation, c'est-à-dire je suis sûr que c'est le même, jusqu'à l'exclusion, en passant par très probable, probable, possible, probablement pas. Et en fait, en continuant, je me suis dit peut-être que lorsque les Écossais ont parlé de 5 points, peut-être l'ont-ils traduit par probable, possible. Et à ce moment-là, vu l'importance de l'affaire, c'est quand même un des faits divers les plus terribles de ces dernières années, il n'est pas impossible que cette variation entre possible, probable, ait provoqué ce déchaînement, en fait, cet emballement médiatique qui fait qu'en fait, possible ou probable est devenu c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Est-ce que c'était évitable en l'état? Est-ce que la précipitation, les chaînes d'infos continues, bref, est-ce que c'est ce qui explique finalement qu'une telle erreur a été commise, Richard Marlet? Écoutez, l'emballement, c'est sûr que c'est jamais bon. En fait, le temps d'une enquête n'est pas le temps des médias. Après, lorsque les policiers français ont demandé, c'est ce que j'ai lu, hein, lorsque les policiers français ont demandé les supports qu'ont utilisés les Écossais pour arriver à l'identification, on en saura plus dans quelques temps, on saura exactement qu'est-ce qu'ils ont pu utiliser, comment ils sont arrivés à ce probable ou possible. Ça, c'est un peu trop tôt, là encore, ne nous emballons pas, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais alors, ce qui est intéressant dans l'histoire de la police scientifique que vous racontez avec Pierre Piazza, Richard Marlet, c'est qu'en fait, celle-ci a débuté sur une erreur judiciaire et pas sur n'importe quelle erreur judiciaire. Oui, après c'est assez formidable sur l'histoire de la police technique et scientifique. Moi j'étais, je crois que je suis le 13e successeur d'Alphonse Bertillon à la tête d'un service d'identité judiciaire. Donc l'idée lumineuse d'Alphonse Bertillon, c'est de substituer à l'identité dont on peut changer comme de chemise, ça c'est Bertillon qui parle, de substituer à cette identité autre chose. Et ça, et donc pour Bertillon, cette autre chose sont les mensurations métriques, anthropométriques. Après, Alphonse Bertillon, il est lié malheureusement à tout jamais à son erreur sur l'expertise du fameux bordereau dans l'affaire Dreyfus, où Bertillon va conclure à la culpabilité de Dreyfus. C'est bien Dreyfus qui a écrit le bordereau, et Bertillon se trompe abondamment. Et alors justement, comment expliquer qu'il se soit trompé? Est-ce qu'il avait la possibilité de reconnaître que ce bordereau n'avait pas du tout été écrit par Alfred Dreyfus? Est-ce que c'est son antisémitisme qui l'a fait voir une écriture semblable alors qu'elle était profondément différente? Je pense qu'en fait, il y a deux choses qui jouent. En fait, la première chose, en fait, c'est la réputation mondiale d'Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon, au moment de l'affaire Dreyfus, il est aussi célèbre que Pasteur. Et en fait, on va chercher Alphonse Bertillon, enfin, c'est le, c'est l'armée qui va chercher Alphonse Bertillon. Alors je pense que c'est pour sa qualité d'expertise. J'espère que c'est ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que lorsqu'il mène son expertise, Alphonse Bertillon est persuadé, a priori, de la culpabilité d'Alfred Dreyfus. Et donc, en fait, dès lors que vous êtes expert, là, vous avez déjà un vice profond. C'est-à-dire que l'expert cherche la vérité scientifique, mais il ne doit pas guider cette vérité scientifique pour démontrer la culpabilité ou l'innocence a priori. Donc là, ce qui est redoutable dans l'expertise d'Alphonse Bertillon, c'est que tout est fait pour conclure à la culpabilité d'Alfred Dreyfus. Il imagine même un concept d'auto-forgerie, c'est-à-dire que Dreyfus aurait modifié légèrement son écriture pour faire en sorte qu'en fait, ça soit pas tout à fait lui, mais que ça soit lui quand même. Enfin, c'est très... Le truc est... Enfin, il passe même, d'ailleurs, quand Bertillon expose son expertise, il passe pour un fou. Donc, c'est la première erreur judiciaire. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait, là aussi, commettre ce type d'erreur judiciaire avec des écritures manuscrites? Alors, il y a de moins en moins d'écritures manuscrites, mais là aussi, c'est la même chose qu'avec les empreintes. Est-il vraiment possible d'identifier quelqu'un à 100% sur son écriture manuscrite? Ah, écoutez, les grandes avancées de la police technique et scientifique, c'est de dire que on a toujours le regard sur la comparaison des écritures, mais on va beaucoup plus loin dans la comparaison des encres, on va beaucoup plus loin dans la comparaison des papiers utilisés, des supports utilisés. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de garde-fous. Et puis, les différents experts que j'ai pu côtoyer, lorsqu'ils préfèrent ne pas se prononcer, lorsqu'ils n'ont pas de certitude. Donc, on évite un certain nombre d'erreurs. Il y a quand même, là aussi, des erreurs qui ont été commises depuis Dreyfus et jusqu'à Dupont de Ligonnès. Oui. Il y a notamment eu l'une des affaires qui a probablement été le plus commentée, c'est l'affaire Thierry Paulin. Il faut rappeler qui était ce tueur en série Richard Marley et nous dire dans quelle mesure, là aussi, il y a eu défaillance de la police scientifique. Alors, en fait, quand je suis sorti de l'école des commissaires de police, donc c'était 1984, j'avais choisi d'exercer comme adjoint dans le 18e arrondissement. Je me suis dit, en fait, le 18e arrondissement, je vais voir beaucoup de choses, c'est extrêmement formateur. Et je venais juste d'arriver lorsque j'ai eu à intervenir, et c'était ma première scène de crime, sur l'assassinat d'une petite dame qui s'appelait Suzanne Foucault. Elle habitait au 10 rue Nicolet. Elle a été étranglée, étouffée, et l'auteur ou les auteurs ont mis le feu à l'appartement. Bref. Et en fait, je vais suivre cette affaire qui bientôt va devenir l'affaire du tueur des vieilles dames. L'auteur, qui va devenir Thierry Paulin, laissait beaucoup, beaucoup de traces digitales sur toutes ces scènes de crime. À un tel point qu'en fait, les spécialistes de l'identité judiciaire pouvaient démontrer aux enquêteurs qu'ils étaient face à un tueur en série parce qu'ils avaient trouvé sur plusieurs scènes de crime plusieurs fois le même pouce gauche, plusieurs fois le même index droit. Vous voyez, c'est la capacité aussi de faire des liens sans aller jusqu'à l'identification. Donc j'ai continué à suivre cette affaire. Thierry Paulin va être arrêté, puis identifié grâce à la diffusion d'un portrait robot. Et là, en fait, je vais être, traumatisé. C'est-à-dire que Thierry Paulin ne pouvait pas être identifié parce qu'il n'y avait pas de fichier informatique national en France. Donc, ce fichier qui s'appelle le FAED sera créé par un décret en 1987 et la préfecture de police, où je travaillais, ne sera raccordée au système national qu'en 1994. Mmh. Comme je m'intéressais aux empreintes digitales, j'ai pu découvrir qu'en fait, par exemple, la police canadienne avait commencé à numériser ses empreintes digitales dès 1970. Donc là, il s'agit d'un retard. Alors, est-ce qu'on fait l'assimilation retard égale erreur? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en fait, ce retard, ça provoque quelque chose de terrible. C'est des victimes en plus moi, j'ai plutôt tendance à parler de victimes en trop. Et donc, là aussi, est-ce que la police scientifique a profité de ces erreurs? J'allais vous dire oui et non. Alors oui, puisque ce fichier a fini par exister, je crois que maintenant il compte 6 millions d'individus sur 10 doigts, donc plus les empreintes de peau. Ils ont 10 doigts, hein, parce que oui, donc, Guy Joao n'avait pas 10 doigts. Oui, c'est ça, voilà. Mais si vous voulez, moi j'ai connu une époque, c'est là où en fait les mémoires informatiques étaient tellement faibles qu'on numérisait que 8 doigts en disant bah le petit doigt n'a pas beaucoup d'importance, on le retrouve pas beaucoup sur les scènes de crime. En fait, c'est ça la puissance du fichier automatisé des empreintes digitales, c'est à la fois d'être capable d'identifier un individu lorsqu'il change de nom et surtout d'être capable d'identifier des traces digitales qu'il laisse sur des scènes d'infraction en les comparant automatiquement avec les empreintes digitales qui sont en mémoire. Si vous voulez, quand je vous disais oui, donc oui, ce fichier existe. Oui et non. Si vous voulez, le deuxième tueur en série que j'ai eu l'occasion de croiser, c'est Guy Georges. Donc lui, on l'appelait le tueur de l'Est parisien. Donc Guy Georges était, j'allais dire, technicien de scène de crime niveau 1. Donc il savait qu'il fallait pas laisser d'empreintes, de traces digitales sur les scènes d'infraction parce qu'on pouvait être identifié. Mais par contre, il laissait des traces biologiques, notamment du sperme, de la sueur, etc., etc. Et là, la France n'avait pas de fichier informatique d'empreintes génétiques, alors que l'Angleterre en avait un. Et parce que la France n'avait pas de fichier informatique génétique, eh bien voilà, il y a eu deux victimes en trop. Eh oui, donc on voit effectivement à quelle bévue tout ceci peut arriver. Bon, alors maintenant, la dernière question, Richard Marlet, il est où Xavier Dupont de Ligonnès? Écoutez, alors là, c'est de l'ordre de la conviction personnelle, hein. Moi, je pense que vivre après un tel méfait, c'est extrêmement dur. Organiser une cavale qui va durer plusieurs années, alors que peut-être on n'a pas des finances considérables, ce qui semble être le cas de Xavier Dupont de Ligonnès, me paraît extrêmement compliqué. Donc, si vous voulez, moi, j'ai plutôt tendance à penser que Xavier Dupont de Ligonnès s'est suicidé. Mais là, c'est de l'ordre de la conviction, hein. Et que bah, peut-être on retrouvera un jour son corps. Mais si vous imaginez une cavale nationale ou internationale sur plusieurs années, avec à un moment on a parlé de chirurgie esthétique, voilà. Alors, donc ça peut exister, notamment chez les grands caïds de la cocaïne, de la drogue. Oui, on a des gens qui sont capables de modifier leur apparence, de modifier leurs empreintes digitales. Non, on peut modifier des empreintes digitales? Alors en fait, ce ne sont pas des modifications des empreintes digitales, ce sont simplement des couches supplémentaires qu'on met sur le dessin papillaire pour éviter un contrôle et une identification ponctuelle. Mais si vous voulez, il y a un grand gangster qui s'appelait Dillinger qui, lui, avait trempé les doigts dans l'acide pour éviter l'identification. Sauf qu'évidemment, alors il y a peut-être plus de points caractéristiques, mais il y a les cicatrices qui sont extrêmement individualisantes. Donc c'était une erreur. Voilà, donc il ne faut pas la commettre. Et la seule chose que l'on sait, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès était peut-être dans cet avion qui a atterri à Glasgow, mais ça n'était pas Guy Joao. Merci beaucoup Richard Marlet. Eh bien, je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « La science à la poursuite du crime » d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui avec Pierre Piazza et c'est aux éditions de La Martinière. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâchée par Jean-Frédéric à la technique et complètement ruiné par David Jakuboviez à la réalisation. Superfell.